pas toujours très simple, je le confesse. Faut supporter mes heures de nymphe, je suis tordu comme une tresse. Pourtant, dans mon travail, y a pas plus cool qu'un mec comme moi. Oui, je suis avenant, jamais bourru, avec des inconnus. Mais à coup pas, je le dis doucement, mais je le dis quand même. En fait, je suis juste très chiant avec les gens qui m'aiment. C'est comme ça.